leave the cafes and the bars, walk the wintry boulevards. Hey, yeah. Hey, yeah, hey, ooh. Whoa, whoa, whoa. Is that a smile I see? Maybe you're not even looking at me. If you smile for no reason, the season is lost. If you love is the rhythm, the rhythm is love. Pour payer ta pire tombale, tu masques ton visage en lisant ton journal.

l'autre qui est libre prend le dessus. Le son de la basse déjà qui nous réchauffe. Des visages par des panoply boys. C'est bon. Mais oh là, ne vous méprenez pas. Je ne critique pas les danseurs qui travaillent des heures pour de nouveaux pas. J'ai juste découvert un plaisir supplémentaire à mon existence. La laisse aller dans. Parfois se situe. Je me fous totalement de l'image du fou que pourrait s'amuser à nous donner les gens. Quand je tente en premier plan de m'occuper à fond de mon SELF épanouissement. Et quand mon âme sera pour les étoiles en partance, je désire que tous mes amis en guise de condoléances, juste au-dessus de moi, une ultime fois, à peu Carlos pense, on laisse aller dans. Oh,

come to your defense? Would you worry for me with a pain in your chest? DJ Phil. DJ Phil. Could I rely on your faith to be strong? To pick me back up and to push me along? Tell me. You'll be there in my hour of need. You won't turn me away. Help me out of the life I lead. Did you feel the promise you made? Remember the promise you promised, you promised, you promised, you promised. Did you feel? Did you feel? DJ Phil.